chapka. Plein de problèmes sous la chapka. Sous la chapka. Plein de problèmes sous la chapka. Sous la chapka. Plein de problèmes sous la chapka. Sous la chapka. Plein de problèmes sous la chapka. Sans viso laser dans les yeux, la compte de sa mère. Ils sont jaloux, on s'adapte. Moi je regarde pas derrière. C'est pas beau, ça fait des manières. Personne te rappellera d'hier. La moto, j'ai la manie. Ça met droite vers la cadière. À Marseille, c'est bouillant, ça tire. Sous la question, mon corps se déchire. Un cap avec un petit bout de shit. J'écris, j'ai un avenir à bâtir. J'suis comme toi, j'viens d'un ba-ba-ba-ba. Comme elle est bonne, ba-ba-ba-ba. Qu'est-ce qu'elle est conne, ba-ba-ba-ba. J'filme le jaune et ratatata. Moi, j'aime pas les faux culs. J'fais tout le monde, j'me mec mon cul. Si elle te plaît, mais lui son coup. Si c'est un bon coup, mais toi en couple ou vie plein cul. Franchement, fou, mais quand j'm'en fuis, donc pas fin cool. Mon col dégueule, j'veux pas qu'on me colle. J'me suis fait seul depuis le début, je kill. Nique ta l'aramique, j'bois mon liptonique. J'suis à côté d'une bombe atomique. J'suis plus d'émotion, j'suis électronique. Ça voit les képis, c'est rapide comme Sonic. J'suis dans un monde de fils de traite. Où ça jaloux son collègue. Ça veut même prendre sa poulette. Où est-ce que ça se fait des poussettes? Ma veste est quechua, c'est un choix. J'me fous que l'autre, c'est un show. Mais j'sous-estime quand c'est ça. Mais de là faut que j'm'échappe. De là faut que j'm'échappe. De là faut que j'm'échappe. De là faut que j'm'échappe. J'suis dans un monde de fils. Au studio j'me vide. Que le bon Dieu me guide. Que le bon Dieu me guide. J'ai mis le mélange dans la OCB. J'ai mis que de la frappe dans le CD. J'ai fait mon bail, j'remplis la CB. J'aide les gens comme j'peux, on me dit oh c'est bien. J'fais que du DP. J'l'éduque. Sois-moi dans le dépôt. Tu veux réussir, faut faire des TP. Et faut faire gaffe à qui c'est tes potes. J'ralentis sur la Beluga. Quand t'en speed, y'a que des loups-garous. J'suis en pleine forme sous Béroca. Plein de problèmes sous la chapka. Sous la chapka. Plein de problèmes sous la chapka. Sous la chapka. Plein de problèmes sous la chapka. Sous la chapka. Plein de problèmes sous la chapka. Sous la chapka. Plein de problèmes sous la chapka. Yo, yo.